Glenarvan conclut. Ou le capitaine entre les mains d'Indiens nombreux, ou les prisonniers d'une faible tribu. Dans ce dernier cas, nous le délivrerons. Dans l'autre, après avoir reconnu sa situation, nous rejoignons le Duncan sur la côte orientale, nous gagnons Buenos Aires, et là, un détachement organisé par le major McNabbs aura raison de tous les Indiens des provinces argentines. Un voyage dont la durée sera de moins au plus, dit Paganel. Quelle route devons-nous suivre, dit Glenarvan. Nous irons prendre, dit Paganel, l'extrémité du 37e parallèle sur la côte chilienne. Après avoir traversé la capitale de l'Araucanie, nous couperons la cordillère par le pass d'Antuco. Puis, nous atteindrons les Pampas, le Salinas, la rivière Guamini, la Sierra Talpaquen. Là se présentent les frontières de la province de Buenos Aires. Nous prolongerons nos recherches jusqu'à la pointe Medano, sur les rivages de l'Atlantique. La route est droite. En 30 jours, nous l'aurons franchie. Et comment composeriez-vous le personnel d'une pareille expédition, demanda Glenarvan? Vous, le major et votre serviteur. Et moi, s'écria le jeune Grant. Donc nous quatre, et trois marins du Duncan. Les préparatifs commencèrent le jour même. Le départ fut fixé au 14 octobre, et par tirage au sort, les trois matelots furent le second, Tom Austin, Wilson, un vigoureux gaillard, et Murlady, un champion de boxe. Le 14 octobre, à l'heure dite, chacun était prêt. Le Duncan était en mesure d'appareiller et les brins de son hélice troublaient déjà les Olympies du Talcahuano. Glenarvan, Paganel, McNabbs, Robert Grant, Tom Austin, Wilson, Mulready, armés de carabines et de revolvers Colt, se préparèrent à quitter le bord. Guy et ses mulets les attendaient à l'extrémité de l'estacade. Les sept voyageurs quittèrent le Duncan. Et à l'instant même où les voyageurs, rendant l'abri de leur monture, suivaient le chemin du rivage, le Duncan, sous l'action de son hélice, reprenait à toute vapeur la route de l'océan.